bénéfice. Ouais. V'là les All-Stars, ouais. Carte de visite marginale, le tsar. Mon show lapin sur rampe de starting block. J'lâche un rap Glock, l'effet d'un Glock 9mm. C'est pour ça qu'elle m'aime, même et j'agrandis mon harem. Zoom et flash, les paparazzi brille sur nos silhouettes. Le gratin bis, unanime le silhouette. Rap champagne, gros cigare made in Cuba. Chaud lapin à consommer comme un accro tabac. À sauce de crape, rap vulgaire comme à lance-gans. Écrave ton custy, achète mon scuddy. L'enfant chéri des médias, médias à ton voisin. T'accaparer l'album de l'âme en scandale. Dans les chippies, scandale, le nom hystérique. Mon label au-dessus du lot, on se fait la belle haut dans les cieux. Tandis que les langues de pute sus, lève jersey, chaud lapin, reste le label. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Bouge les balles, c'est. Bouge les balles, faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Les rongeurs viennent et ne partent pas aussi banal qu'un boomerang. On fera du crew quand un boom camp. T'en pose l'effet d'un big bang. À l'arrière un big gang sur lequel ces petites bandes font les petites langues de pute. Mais au fond 17 litus. Attention, j'suis survolté. Sous haute tension, sans les révolter. Mon intention c'est de décolter ta dentition. Sur une mission, sauser ramène des munitions. Qu'on leur inflige la punition. Le Socrate est à la finition. Les sonateurs déclenchés, le GSL fâché. J'veux pas te cacher que ça fait des années que j'veux que ça défouraille. J'dois foutre une tannée au rap pour qu'après moi on braille. Alors c'est priorité à la musique comme à la radio. Conio, ça y est, t'y est. C'est bien l'un des piliers. Rongeur, choisir le stylié. Normal, j'y mets de la steak, pas, tâte pas. Si tu kiffes pas mon son, le tâte pas. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, ouais. Faut que ça défouraille, c'est. La mon CV, je traîne, je galère sur le pavé. Je suis gravé, même plus gavé. Ah, si seulement tu savais, tu comprendrais pourquoi deux doigts, tiens temps à sauver. Tu comprendrais pourquoi on fout notre mère sans arrêt, enfoiré. De boule roule sa caisse, encaisse le bazar. Y'a pas de lézard lascar, si on est là, c'est pas un hasard. Depuis qu'on cherche la bonne étoile, on tombe sur l'étoile d'araignée. On rêve que ça se passe au poil. C'est qui porte le voile, on est gris. Ils nous montrent du doigt, quand on plaide, on nous croit pas. On est des proies, des appâts, pour la loi et les six rats. La trahison au sein de notre population. Et pire qu'avant, les mecs qui tâtent dans les mêmes biberons maintenant. Au début quand je suis né dedans, j'avais pas ce qu'il y avait dedans. Je connaissais pas le mouvement, j'étais un jeune inconscient. Mais avec le temps finalement, j'ai saisi le guet-apens. Résultat j'ai lâché les bancs pour aller squatter avec mon clan. En faisant tout style de plan, en évitant de me tes plans. Y'a pas de pourquoi ni comment, dehors je pouvais pas faire autrement. Que je meurs si je mens, dans mon tiers car c'est dément. Y'a tellement de faits divers que tu peux en faire un roman. Le Bugs a raison, en bas de chez moi ça j'échange. Du facteur au dealer en passant par l'agent. C'est vrai que ça me scie et que dans mes récits ça sent. J'ai un but bien précis, celui de foutre le camp. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, ouais. Faut que ça défouraille, c'est. Place ma couille, comme Tupac, je thug. Je reste une crapule à vie dans l'écurie du Bugs. Ici y'a pas de piste de Zep 1, pas de Z là. J'aurai la fin contact sur Z1, puis je m'imagine en Z3. Le truc ici c'est de faire tourner le chromie. Même quand mon plan est cramé, je fais pas de chrome et je reste le chrome, m'a compris. Tu me suis, la folie et la solitude, ça rend nerveux. Et pour ceux, j'ai adopté une putain d'attitude face à tout enfoiré qui me bloque le passage. À présent, le rap c'est la merde, n'oublie pas de leur faire passer le message. J'y blague pour les groupies du fan club. J'aurai la fin, coup de rein, les balles d'acquin après une foncée au pub. Ouais, ouais, ça le fait, c'est bon. J'entends les clitons vibrer, là j'ai à booster le son. Alors, ça continue, encore et encore. Faut que ça pète, faut que ça crame en attendant le disque d'or. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, ouais. Faut que ça défouraille, c'est. Les ponts avec les sceptiques, mis à l'écart, les mecs mystiques ignoraient les critiques. Aujourd'hui mat le résultat, ma clique, mac, notre tactique, l'attaque, mais au comportement impec et sans échec. Tu veux du bon rap sec, t'as toqué à la bonne porte, règne du naturel concept où la musique plus forte, on s'exporte, y'a pas de boycott. Y'en aura pour tout le monde, j'étale du chaud lapin, ça nous aide. Faut pas que tu nous confondes avec tous ces parasites, ces dictes de merde sur les ondes. Esprit enfumé, on vient tout enflammé. La CJAV, dans le V, bijoux, ceinture lacée. Alors on a tout misé dans le RAP. Ici pour tout péter, tu nous connais. En cas de problème, ouais, on défouraille. Faut que ça pète, faut que ça crame, faut que ça défouraille, c'est. Faut que ça pète, faut que ça crame, ouais. Faut que ça défouraille, c'est. Bon, alors maintenant, le morceau qui va suivre, c'est pour tous les mecs en chien qui ont pris des coups de pompe par leur pain ou qui les ont lâchés. Mais, les filles, on vous aime. Celui-là, il est pour vous.